au son fat pour un putain de soldat. Mets le watt dans ton appart, que le sol tremble. C'est Predator sur le beat, bâtard, c'est bon ça. J'comprenais que t'apprécies pas si j'ai fait un putain de couplet sur toi. Surtout ne suce pas la jaquette du maxi, c'est pas comme ça que le style viendra. Fais du gospel, peut-être que ça marchera. Les textes sont du niveau de ceux de Charles Aznavour. Chanson d'amour, salope et l'humeur, comme une passe dans un hammer, comme un titre de MC Hammer. Comme faire du rameur et croire qu'on va devenir balèze. Laisse la place pour un putain 16. Après la banane du siècle, garde la pêche, suce-moi la fraise. En France comme aux States, prolifération de rappeurs trop nazes. Note mes phrases, note mon flow, note mes phases. Note mon putain style, note mon putain blase. J'suis venu en paix avec mes couilles, la haine. J'suis venu en paix pour foutre la merde dans le game. Si t'es au pays pour la guerre, moi c'est la même. La colombe de la paix a pris de face une grosse PM. J'suis venu en paix avec mes couilles, la haine. J'suis venu en paix pour foutre la merde dans le game. Si t'es au pays pour la guerre, moi c'est la même. La colombe de la paix a pris de face une grosse BM. Est-ce lourd, petit, normal, c'est ton temps de zeg aux manettes. Pour foutre le faux game, non, j'ai pas besoin d'allumettes. Allume la mèche à chaque titre, balance les MC par la fenêtre. Ego trip trop fan, j'mets les rappeurs à la retraite. Fallait que j'me méfie, y'avait soi-disant plein de grosses racailles. C'était trop dangereux, trop scandale. J'ai vu surtout un carnaval et sous chaque déguisement un rataille. Beaucoup de doigts en l'air dans la salle quand on dit nique à la flicaille. Beaucoup de larmes sur les joues, un garde à vue dès le réveil. Gros de feuilles aux lèvres devant tout le monde comme si c'était la Hollande. Habillé comme Curtis Jackson pour se faire ramasser par la brigade. Anticriminalité paradoxale car la plupart des MC n'ont rien à voir avec des criminels. À l'écoute de ce couplet, je sais que vous êtes nombreux à faire la gueule. Pas de bol, j'suis à l'ouest, c'est le bordel. J'suis venu en paix avec mes couilles, la haine. J'suis venu en paix pour foutre la merde dans le game. Si t'es au pays pour la guerre, moi c'est la même. La colombe de la paix a pris de face une grosse PM. J'suis venu en paix avec mes couilles, la haine. J'suis venu en paix, foutre la merde dans le game. Si t'es au pays pour la guerre, moi c'est la même. La colombe de la paix a pris de face une grosse PM. Plus écrit entre une assiette de pâte au beurre et un steak caché. J'remets toutes les pendules à l'heure comme un putain d'horloger. Désolé pour toi l'ami, si ton père s'appelle Roger, que c'est un con des moustaches qui verbalise toute la journée. Dans mon équipe pack, bras cassé, très peu de strap, tu dois t'en douter. Ça restreint le nombre de poucaves, ce qui évite de trop cogiter. Pas le drive, pas une 187 dans les cités, pas le fusillade comme dans Hit. Faudrait peut-être arrêter d'inventer, faudrait que les rappeurs cessent d'halluciner, cessent d'écrire leurs couplets en sortant du ciné. Beaucoup d'M6 prennent pour des cahiers de gris, les trous mais la feuille vite, flamme à jacter les poches percées. Wesh les gars, j'espère que je vous ai pas vexé. Z-Light 8, c'est mauvais pour la santé, un conseil. Éviter les excès. Le prédateur vient sanctionner les rappeurs un peu trop excités. Allez, rentrez vous coucher. J'suis venu en paix avec mes couilles, la haine. J'suis venu en paix pour foutre la merde dans le game. Si t'es au paix pour la guerre, moi c'est la même. La colombe de la paix a pris de face une grosse BM. J'suis venu en paix avec mes couilles, la haine. J'suis venu en paix pour foutre la merde dans le game. Si t'es au paix pour la guerre, moi c'est la même. La colombe de la paix a pris de face une grosse BM. J'suis venu en paix avec mes couilles, la haine. J'suis venu en paix pour foutre la merde dans le game. Si t'es au paix pour la guerre, moi c'est la même. La colombe de la paix a pris de face une grosse PM. J'suis venu en paix avec mes couilles, la haine. J'suis venu en paix pour foutre la merde dans le game. Si t'es au paix pour la guerre, moi c'est la même. La colombe de la paix a pris de face une grosse PM.